Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Legrand. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, j'ai reçu les résultats de votre prise de sang. Ah ? Et ? Eh bien, ce n'est pas très bon. Vous avez trop de sucre dans le sang. Ah bon ? Oui. Et vous devez aussi faire attention à votre poids. Vous faites du sport ? C'est-à-dire... Non. Oh, je n'aime pas trop. Oui, mais il faut bouger plus, Madame Legrand. C'est important pour votre cœur. Vous habitez loin de votre travail ? Non, à 2 kilomètres environ. Parfait. Commencez donc par marcher jusqu'à votre travail, puis de votre travail à chez vous, soit 2 trajets par jour. Vraiment ? 4 kilomètres par jour ? Oui. Et le week-end, courez minimum 1 demi-heure le samedi et le dimanche. Oh là là ! Bon, très bien, docteur. Allez, courage ! On prend rendez-vous dans 1 mois pour une nouvelle visite médicale, d'accord ? Entendu.